pigi pigi let's follow to love. A-t-il fallu que l'on se lâche? Ou un sourire aux songes, nos amours se fâchent? La nuit passe et l'on se tue, c'est ma faute et l'on oublie. C'est que l'on se meurt, les chants du clan de mer, je te dirai, je sais. Dans l'espoir, nous sommes si beaux, là où tourne à nouveau, je te dirai, je sais. Tout était mieux sans moi. À l'au-delà. Aurait-il fallu que l'on se lâche? Ou un sourire aux songes, nos amours se fâchent. Une nuit passée que l'on se tue, c'est la faute et l'on oublie. C'est que l'on demeure, la vie change et que l'on se meurt. On se dirait, je s'aime. Les soirs nous semblent si beaux, leur coup sourd à nouveau. On se dirait, je s'aime. Tu étais mieux sans moi. Le sang passe et que l'on te meurt, la nuit change et que l'on se meurt. Je te dirai, je t'aime. L'espoir me sent si beau, la route tourne à nouveau. Je te dirai, je t'aime.